Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107. C'est Chris et Laura. Et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette deuxième édition de votre nouvelle émission intitulée Radio Catch. Lors de la dernière émission, nous vous avions présenté ce qu'était le catch et nous vous avions partagé certaines de nos préférences. Et pour ce deuxième numéro, nous allons vous donner nos ressentis et avis sur les deux derniers Premium Live Event, les deux derniers grands shows de la WWE qui s'appelaient avant les pay-per-view. Voilà, et donc c'est-à-dire Clash at the Castle et Extreme Rules. Mais avant toute chose, nous allons vous parler des championnats, des ceintures à remporter. Et nous vous dirons également quelques mots sur All Elite Wrestling. Et donc c'est parti pour une jolie petite émission. Et du coup, en effet, les ceintures, c'est assez important d'en parler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la ceinture, du coup, le catch, la discipline. Donc on va commencer tout de suite par parler des ceintures, comme je viens de le dire, en commençant par parler des moins importantes, entre guillemets, pour nous diriger ensuite vers les plus importantes. Donc on va commencer par la branche jaune, NXT. C'est là que l'on retrouve les futurs talents qui se dirigeront ensuite, enfin peut-être, vers le roster principal, à savoir Raw et SmackDown. Et donc du coup, je vais laisser Laura vous en présenter quelques-uns, commencer par vous parler de tout ça. Ah, tout d'abord, il a le championnat nord-américain avec une ceinture que je trouve qu'est pas mal. C'est une ceinture bordeaux avec une petite terre dessus, je crois. Mmh, c'est ça. Voilà. Donc ce titre a été créé le 7 mars 2018. Ricochet a détenu cette ceinture. Solo Sikoa, qui est le jeune frère des Uso et cousin de Roman Reigns, qui a remporté cette ceinture dernièrement parce qu'il est il a dû la rendre, du coup, parce qu'il est monté dans le roster principal. Tout à fait. Donc il ne pouvait pas la garder, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et la fille de la crémière. Oh, tout à fait. Le premier détenteur de cette ceinture était Adam Cole, baby. Un de mes catcheurs favoris d'ailleurs, soit dit en passant. Et il a fait une sacrée carrière dans le circuit indé, je crois. Ah bah oui, à la base il était dans le circuit indé, il s'est fait une petite notoriété là-bas. Et du coup après il est allé dans des fédérations un peu plus grosses, donc la WWE. Ensuite pour se diriger maintenant à la AEW, dans laquelle il est avec sa compagne Britt Baker. Ouais, c'est ça, et j'avais vu qu'il avait été à la Ring of Honor avec les Hardy, parce que Matt Hardy avait partagé une photo avec lui. Il formait le... Je crois qu'il formait une des versions du Bullet Club avec les Young Bucks, justement les frères Bucks, donc Matt, et Nick. Nick Jackson et Matt Jackson, voilà. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, le Bullet Club, c'était pas plus grand que ça. Il y avait Finn Balor. Oui. Mais est-ce qu'il y avait aussi AJ Styles et Karl Anderson et Luke Gallows en même temps? Je crois pas. Hein. Bah, en fait, il y a eu plusieurs versions de The Club, comme l'équipe s'appelait. Il y a même une des versions japonaises. Mm-hmm. Et donc, à la base, si on en croit du coup les statistiques et puis le passé, donc AJ Styles et Luke Gallows et Karl Anderson formaient à l'époque The Original Club, donc dit aussi comme il s'appelle maintenant à la WWE. C'est après que ça a commencé à s'appeler The Club, avec quand Finn Balor est arrivé du coup à la tête du clan, c'était The Club tout simplement. Donc le premier détenteur du championnat nord-américain, c'était Adam Cole justement, qui est maintenant du côté de l'AEW, comme on le disait. Oui. Il était la figure de NXT, il y a d'ailleurs retrouvé Bobby Fish et Kyle O'Reilly avec qui il formait les Undisputed Era. Merci Chris d'avoir écrit cette trame avec mon accent anglais. Avec plaisir. À savoir qu'il y avait aussi un quatrième membre, donc Roderick Strong. Roderick Strong. Wow. Qui a formé une équipe qui s'appelle Diamond Mine, si je ne dis pas de bêtises. Diamond Mine. Merci. Ouais, c'est ça, à NXT toujours Diamond Mine avec d'autres superstars, des jeunes superstars surtout. Il était à la tête de ce nouveau clan quand Bobby Fish et Kyle O'Reilly et Adam Cole sont partis du coup du côté de AEW. Roderick Strong ne les a pas suivis, il est resté à NXT pour former Diamond Mine. D'ailleurs, je crois que l'équipe n'existe plus en ce moment. Je sais pas, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. C'est possible. Mais en fait, il a monté son clan parce qu'il pouvait pas les suivre. Mais est-ce qu'il aurait été pris à la UW? Peut-être qu'il a pas eu le choix de pas les suivre, en fait. Bah, on saura pas. Je sais pas, parce qu'à UW, il y a la femme de Roderick Strong qui est. Marina Shafir. Ouais. Ah ouais, ouais. Elle catch? Oui, elle catch. Enfin, elle catch. Ouais. Voilà, c'est pas la plus talentueuse. Mais elle est du côté de AEW maintenant. Mm-hmm. Donc il aurait très bien pu y aller avec, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était un choix de sa part de rester fidèle à la WWE, je ne sais pas. Je t'avouerai que là je suis un petit peu tu me poses un peu une colle. Après, ce que j'aurais bien aimé, c'est parce que Ronda Rousey a quatre amis qui sont issus de l'UFC mais qui sont partis, à savoir Shayna Baszler qui est toujours à WWE, ouais. Marina Shafir, et la quatrième, c'est son nom de famille, c'est Duke. Je crois que c'est Jessamine Duke. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un affrontement elle avec les Four Horsewomen, à savoir Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley et Sasha Banks, pour former les Four Horsewomen WWE contre les Four Horsewomen UFC. C'est vrai que ça a été, c'était également le choix, l'envie de beaucoup de fans. Malheureusement, ça s'est jamais fait. Peut-être un jour, je ne sais pas, tout dépendra, mais j'y crois moyen. Moi aussi, parce qu'en même temps, Marina Shafir, je savais même pas qu'elle catchait, et Jessamine Duke, c'est ça ? Jessamine Duke, on fait un petit coucou à mon professeur d'anglais. Et Jessamine Duke, je sais pas si elle catchait non plus. Elle catch, mais comme Marina Shafir, c'est pas la plus talentueuse non plus. C'est très... En fait, elles ont toujours leur background, leur arrière-plan, si on veut traduire en français, mais leur... En gros, leur passé de combattant UFC, donc du côté de WWE ou du catch en général, c'est un peu compliqué de concilier les deux. Tu me diras, Ronda Rousey y arrive plus ou moins bien. Il y a encore du boulot quand même. Ouais, voilà. Mais bon. Voilà. Ensuite, No Diamond Mind, donc tu l'as dit, Johnny Gargano, c'était un des champions emblématiques également. Ouais, autrement appelé Johnny Wrestling. Johnny Wrestling, qui est revenu récemment. Voilà. Du côté de Raw, et d'ailleurs la femme de Johnny Wrestling, Candice LeRae, je te déteste, qui est également revenue après avoir donné naissance à leur bébé, du coup qui s'appelle Quill, je crois, en référence au Gardien de la Galaxie. Ils l'ont appelé Quill Gargano. Pourquoi pas, enfin, je sais pas si Gargano c'est leur vrai nom de famille, mais enfin voilà, ils l'ont appelé Quill. Par contre, en France, il y a eu beaucoup de tweets et de choses comme ça par rapport à la naissance de la fille de Becky Lynch et de Seth Rollins. De Seth Rollins. Parce que la petite fille s'appelle Roux. Et le nom de famille, enfin le vrai nom de Becky Lynch, c'est Rebecca Quinn. Alors ça fait quoi en français ? Rouquine. Rouquine. Bon, c'est débile, la pauvre enfant. Bah ouais, mais après, du coup, je pense pas qu'en anglais ils aient ce. Bah non, justement, c'est pour ça que c'est débile. Bon. Nous, ça nous fait rire. Mais bon. Alors, du coup, on va parler maintenant des championnats par équipe de NXT. Il en existe deux. Il y a d'abord les titres masculins et les titres féminins. Tout parce que fait. C'est bien qu'il y a la parité aussi. Et bien sûr. Donc, les premiers, les titres masculins, ont été créés le 23 janvier 2013. Ils ont notamment été détenus par, justement, Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Oui. Et je crois que Adam Cole était champion en même temps. Du coup, c'est un peu comme la Bloodline actuellement. Ils ont toutes les ceintures. Ouais, bah ils avaient, on va dire, les ceintures les plus importantes de la branche jaune à l'époque, c'est vrai. Voilà. Et les champions actuels sont les je te déteste. Pretty Lady. Mais Chris, qui sont les Pretty Deadly. Pretty Deadly, et je suis en train de manger le micro. À savoir que quand on a écrit cette trame, c'était eux les champions. J'avoue que j'ai pas regardé récemment si c'était toujours eux les champions par équipe, mais à l'époque c'était les Pretty Deadly. Et donc, les te répondre, bien sûr, les Pretty Deadly sont une équipe. Oh merci Chris pour cette réponse. Mais laisse-moi terminer. Du coup, c'est une équipe formée de Elton Prince et Keith Wilson qui étaient du côté de NXT UK quand ça existait encore, qui va bientôt être, bientôt remplacé par NXT Europe, dans lequel on pouvait retrouver Amal et Mail. Voilà, d'ailleurs, que j'ai déjà vu en vrai, qui est très sympathique. Et ils ont remporté du coup les ceintures le 4 septembre 2022, c'est tout récent, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient encore les ceintures aujourd'hui. Et Amal, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une prof et qui s'est reconvertie dans le catch. C'est ça. Amal est avant sur le circuit indépendant, le circuit français. Là, à la WWE, c'est juste Amal, mais avant c'était Amal Winchester. Bon, c'est pas son vrai nom, bien sûr. Enfin, je sais pas si. Non, on va éviter de dire son nom, on sait jamais si elle veut pas. Voilà, c'est voilà. Ça. Ouais, voilà. Elle se faisait appeler Amal. Enfin, elle se fait appeler Amal désormais sur à la WWE. À voir si elle reviendra à NXT Europe. Europe, pourquoi pas. NXT Europe, s'il te plaît, comme ça, moi, j'irai. Voilà, NXT Europe, voilà. Après, pour le NXT UK, ça a quand même révélé pas mal de talents, savoir Gunther, qui se faisait appeler Walter, ouais. Qui a eu l'un des plus longs règnes, comme Rhea Ripley. Ouais, c'est aussi révélé Zaya Brookside, une jeune catcheuse, d'ailleurs que j'ai une photo dédicacée d'elle, qui était aussi sur le circuit indépendant avant, donc elle avait déjà une petite notoriété. C'est la fille de Robbie Brookside, qui est, je crois, entraîneur du côté du Performance Center de la WWE. D'accord, super. Voilà. Alors, on va maintenant parler des titres par équipe féminin qui ont été créés très récemment. Et je trouve ça bien qu'on fasse aussi des ceintures pour les femmes. Bien sûr. Alors, on peut dire que ça a constitué une certaine reconnaissance pour les femmes. Mm-hmm. Par exemple, ils ont été détenus par Dakota Kai, revenue récemment à Clash of the Castle. Je déteste l'anglais. Avec Bayley et Yao Sky. Mm. Alors, Chris vous donnera plus d'informations un peu plus tard. Et Raquel, toutes les quatre sont actuellement dans le roster principal. T'as dit Yao Sky ? Yao Sky ? Et tout simplement, Io. Je te déteste. Io Sky. Bah, c'est pas moi, c'est son nom, hein, son nom de ring. Et donc, du coup, en effet, créé plus récemment, donc le 10 mars 2021, précisément, donc ça fait un an et demi, quoi. Mm-hmm. Voilà, Io Sky qui se faisait appeler avant Io Shirai quand elle était du côté de NXT. Voilà. J'arriverais mieux à dire Io Shirai que Io Sky, en fait. Bah, en fait, c'est Io, dans les deux cas, c'est Io. Io Shirai, Io Sky. Io Man. Aussi. Donc voilà, Raquel, qui est d'ailleurs, comme tu l'as dit, dans le roster principal maintenant. Mm-hmm. Et oh. qui a d'ailleurs été championne récemment avec Aliyah. Elles ont perdu les titres rapidement, mais Aliyah qui est blessée actuellement à l'heure où nous enregistrons cette émission. Maintenant, si tu nous parlais du championnat majeur féminin de NXT. Alors, il a été créé le 5 avril 2013. Alors, certaines des championnes les plus marquantes de ce titre sont les Four Horsewomen, que je parlais tout à l'heure, mm-hmm. à savoir Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha... Sasha Sasha Banks et Bayley, encore elle. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire encore elle avec un S, hein. C'est toujours les mêmes, hein, finalement. Bah, j'ai envie de dire malheureusement. Mm-hmm. Que même du côté, maintenant, elles sont... à part Sasha Banks et Sasha Banks qui est du côté un petit peu mise de côté pour l'instant. Je sais pas si c'est une volonté de leur part ou si c'est la WWE qui les a mis de côté parce qu'un coup, elles ont un truc qui a fait polémique. Elles ont quitté un show sur lequel elles étaient prévues en plein dans le show. Ça fait qu'elles n'ont pas combattu, donc les bookers ont dû remanier la carte. Et donc, c'est vrai que quand elles sont là, malheureusement, ça tourne souvent autour des quatre mêmes, les titres que ce soit NXT ou même dans le roster principal, je trouve ça un petit peu dommage. Mais maintenant, bah, y a aussi Ronda Rousey autour de laquelle, ça tourne aussi. Mais je trouve, à croire, on en reparlera un peu plus tard, mais à croire qu'il n'y a que 4 ou 5 femmes dans le roster principal, alors qu'il y a tellement de catcheuses qui seraient méritantes d'être championnes, mais parce que pour une raison ou pour une autre, bah, c'est toujours le même mis en avant. Pourquoi ? On en parlera également un petit peu plus tard. Et voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un truc qui a toujours... on va dire, fait parler. Mm-hmm. Alors, la championne actuelle, c'est Mandy Rhodes. Alors, elle a été entraînée par Lita, ma catcheuse favorite, c'est un secret pour personne. Cependant, j'ai vu beaucoup de personnes la critiquer sur les réseaux sociaux et critiquer son règne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Bien sûr. Déjà, avant de vous expliquer pourquoi, à savoir que Mandy Rhodes a fêté, il y a quelques semaines, célébré ses un an de règne en tant que championne féminine de NXT. Voilà, dans une tenue très pailletée. Et très sexy, hein. Voilà, c'est vrai que Mandy Rose a toujours eu ce côté sexy, encore plus auparavant. Je vais en parler juste avant. Donc je pense que du coup beaucoup de personnes la critiquent et critiquent encore son règne, car ces mêmes personnes sont restées bloquées sur son ancien gimmick, celui de la Golden Goddess, auquel elle était blonde avec une tenue couleur dorée, qui faisait un peu poupée Barbie, un peu bimbo, et d'ailleurs que son gimmick jouait beaucoup sur son physique. Et du coup, à cette époque, comme je disais, c'était la jolie fille qui ne jurait que par son physique, ou presque, et qui était un petit peu moins talentueuse qu'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant qu'elle a été... qu'elle est du côté de NXT, elle s'est vachement améliorée. Et ça, c'est, je pense qu'il faudrait être de mauvaise foi pour dire que non. Mm-hmm. Donc elle a été emmenée dans le roster principal avec Paige. Et Sonya Deville, donc Paige qui est maintenant du côté de AEW sous son vrai prénom, Soraya. Mm-hmm. Voilà. Et ensemble, elles formaient du coup la team Absolution. Voilà, c'était leur petit trio qui était assez dominateur à l'époque avec Paige en tant que leaduse. Une leaduse ou une leader ? Une cheerleader. En tant que, on va dire, ouais, chef de, voilà, de la bande, du trio. Du trio, la celle que je déteste le plus, c'est Sonya Deville. Ah. Elle aussi qui a d'ailleurs un passé de combattante en arts martiaux mixtes, MMA, UFC, tout ça. Par contre, ils la mettent trop en avant. Bah, c'est, ou c'est elle qui se met trop en avant parce qu'elle faisait partie des officiels par un moment. Elle faisait partie des officiels. Parce qu'il s'était passé quelque chose dans sa vie privée, il fallait qu'elle s'en remette. Mmh. On va pas en parler ici, il suffit de faire quelques recherches pour trouver. Et du coup, bah, en fait, lui, elle a été victime d'un fanatique, du coup, qui est venu jusqu'à chez elle pour... la kidnapper, je sais pas quoi. Voire pire, même pas la kidnapper, carrément lui mettre fin à ses jours, quoi. Et donc, c'était... Heureusement, cette personne, qui n'est même pas un fan pour moi, c'est... un animal, ce truc a été arrêté avant de passer à l'action, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis du côté du bureau des officiels, le temps qu'elle s'en mette, parce que c'est quand même un événement traumatisant. Mm-hmm. Donc du coup maintenant elle est du côté, elle est revenue en tant que combattante, pas trop mise en avant, je sais pas, elle est quand même talentueuse. Mm-hmm. Elle a quand même, elle dégage quand même un truc, et après ça c'est au niveau du point de vue de chacun, je pense. Hein. Voilà, c'est ça. Alors je voulais te demander pourquoi est-ce que Mandy Rose est retournée à NXT alors qu'elle était dans le roster principal? Alors, il y a eu un échange qu'on appelle un draft dans le monde du catch. Il y a eu un draft entre Aliyah, qui est montée de NXT au roster principal, et Mandy Rose, qui est passée du roster principal à NXT. Donc, c'est pour ça qu'elle est de retour maintenant du côté du show jaune. Show jaune qui est devenu show multicolore, qui va certainement redevenir show jaune. C'est vachement utile de faire un pas en avant pour faire un pas en arrière. Après, j'avoue que c'est plus stylé en jaune et noir qu'en couleur. Ça fait un peu, tu sais, la Firefly... Funhouse avec Bray Wyatt. J'arriverai jamais. Bah, c'était aussi sous une autre direction. À l'époque, il y avait Vince McMahon qui était là. L'âme qu'on ne peut pas prononcer. Ah, voilà. je pense que c'est lui qui avait, je pense, qui a décidé de passer du jaune et noir au multicolore. Mm-hmm. Du coup, maintenant que c'est Triple H, qui a, donc, le gendre de Vince McMahon qui a repris les rênes, peut-être que c'est pour ça qu'il a repassé du jaune et noir. C'est vrai que ça a porté, enfin ça a souvent fait parler aussi le fait que ce soit devenu multicolore alors qu'en noir et jaune c'était très bien. Ouais, c'est ça. Et j'avais une autre question. Oui, on est là pour ça, dis-moi tout. J'ai un trou. Oui, alors voilà, pendant un moment NXT ça a été télévisé sur des chaînes la TNT, je crois, sur l'équipe 21 il me semble, à un moment donné. NXT, pas sûr. Je sais que sur l'équipe 21, il y avait Raw et SmackDown qui étaient rediffusés avec les commentaires de Christophe Ajus qui est toujours là d'ailleurs, et Florian Gazan à l'époque, mais je sais pas s'il y avait NXT. Hein. Il me semble que si. Ah bah peut-être. On fera ces petites recherches après la pause. Alors du coup, c'est quoi pour toi le mieux pour Mandy Rose? Est-ce que c'était le mieux de rester dans le roster ou de retourner à NXT? Je pense qu'elle se sent mieux à NXT, non seulement quand elle y est retournée, elle a changé de gimmick, elle est passée de la déesse dorée, la Golden Goddess, à son gimmick actuel. Donc la Golden Goddess n'existe plus, et maintenant on voit qu'elle est devenue un peu plus agressive. Elle a également changé de couleur de cheveux, elle est devenue brune. Donc, je crois que c'était sa couleur naturelle, le brun d'ailleurs. Ça lui va mieux, je trouve. Oui, aussi. Et donc on a également remarqué qu'elle s'est grandement améliorée au niveau du talent et qu'elle est du coup devenue championne féminine de NXT. Elle a fêté ses 1 an de règne récemment. Elle a donc troqué ses cheveux blonds contre des cheveux bruns. Et sa couleur naturelle, du coup, eh bien qu'elle porte encore des tenues assez sexy. Je pense que ça fait partie de la femme qui aime être sexy également. Elle ne se comporte plus comme une matuvue, entre guillemets. Désormais, elle mise davantage sur le côté sportif que sur l'apparence physique et finalement, ça lui a réussi. Elle est championne et c'est la première fois qu'elle a remporté un titre majeur solo. À l'heure où on enregistre cette émission, du coup, elle a fêté ses 1 an de règne vu qu'elle l'a remporté le 26 octobre 2021. De plus, désormais, Mandy Rose est à la tête du clan Toxic Attraction avec Gigi Dolin, anciennement Priscilla Kelly sur le circuit indépendant. Et Gigi Dolin, je crois que c'est son vrai nom. Non, Priscilla Kelly, c'est son vrai nom, pardon. Et Jessie Jane, du coup, qui fait également partie de Toxic Attraction. Sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'un des meilleurs trios de la génération actuelle. Je trouve aussi, personnellement, Priscilla Kelly, slash Gigi Dolin, je la suis depuis ses débuts en circuit indépendant. Mm-hmm. Avant, elle avait un look très gothique, cheveux noirs, gros maquillage noir autour des yeux, une tenue blanche ou noire, ça dépendait. Maintenant, elle s'est fait un petit peu une folie avec une nouvelle couleur orange. Mais ça lui va bien aussi, hein. Ça va bien avec ses yeux bleus. Et donc, je trouve que c'est aussi un clan, un très bon clan du côté de NXT. Elles dégagent toutes les trois quelque chose. Elles sont toutes les trois quand même assez talentueuses. Mm-hmm. Bon, certaines membres de clan un peu moins que d'autres, mais bon, après ça. Voilà. Et je trouve aussi que c'est un des meilleurs clans, un des meilleurs trios du côté de la branche jaune, du côté de NXT. Mm-hmm. Alors maintenant, je te propose de nous intéresser au titre masculin de NXT. Alors, le titre majeur de NXT a été créé le 1er juillet 2012. Alors, son premier champion a été Seth Rollins. qui est maintenant, enfin actuellement à l'heure où nous enregistrons cette émission, est encore champion des États-Unis. Oui, c'est ça. Voilà. Alors on parlera plus en détail de lui dans l'émission. Alors le champion actuel à l'heure où nous enregistrons cette émission est Bron Breakker. Il est issu de la famille des Steiner. Ouais, Scott Steiner, il était un peu bourré aux stéroïdes, non, un peu. Même son frère, hein, Rick Steiner, qui est d'ailleurs le père de Bron Breakker. Je pense qu'ils ont beaucoup. Après, je sais pas, j'avoue que j'ai pas leur physique, mais à mon avis, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des petits produits dedans. Ouais, c'est ça, puis Scott Steiner, il fait flipper avec son espèce, tu sais, le truc de chevalier sur la tête, là, comment ça s'appelle, les... Je sais plus, les côtes de maille, c'est au niveau du cou. Enfin, oui, c'est pas un home, non? Oh, non, un home, c'est là. Enfin bref, il a un truc de chevalier sur la tête qui est super lourd en ferraille. Et des lunettes de soleil. Voilà, c'est ça, mais alors ses bras, mon ami, c'est... Ah bah c'est des essieux d'autobus, hein. Bah c'est ça, mais il peut casser une boîte à œufs à lui tout seul. Je pense. Alors je me suis un peu égarée, du coup on va revenir là-dessus. Alors Bron Breakker, il a remporté le championnat NXT le 4 avril 2022, ce qui est très récent. Meilleur jour de l'année. Ah oui, bon anniversaire Chris. Le 4 avril du coup. C'est pas grave, il est jamais trop tard pour dire bon anniversaire. Ouais. Alors certains des champions les plus connus sont Tommaso Ciampa, qui est actuellement blessé à la hanche. Je crois. Il me semble. Qui s'est fait opérer, voilà. Karrion Kross, qui est revenu très récemment. Avec Scarlett. Voilà. Finn Balor, qui est leader du Judgment Day. Dans lequel on retrouve Rhea Ripley, Damien Priest. Et Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais bon. Avec sa phrase qui m'a fait mourir de rire. Oui. Je suis de la génération d'Eddie Guerrero. Non! Eddie Guerrero est de la génération Dominique Mysterio. Bon, c'était pas tout à fait la phrase exacte, mais c'est l'idée, quoi. Ouais. J'ai envie de te dire, tais-toi et apprends encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et en gros, il disait... Tu me permets de te corriger ? Mm-hmm. Nickel. En gros, il disait, je suis le Eddie Guerrero de cette génération. Et donc, Eddie Guerrero était le Dominique Mysterio de sa génération. Mm-hmm. C'est à peu près dans l'idée, ça reste le même, mais c'est vrai que... Quand même si Dominique Mysterio, c'est le fils de mon idole, j'ai envie de dire qu'il y a quand même un gouffre entre le talent d'Eddie Guerrero, paix à son âme, et le talent de Dominique Mysterio. Il y a un truc qui... Ça va pas, ça correspond pas. Bah voilà, puis j'ai regardé le dernier pay-per-view, le dernier PLE, Premium Live Event, à savoir Crown Jewel, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais franchement, j'ai pas pu voir tout le match encore. Mais je vais pas dire qu'il sert à rien, mais il se fait laminer pendant un bon moment dans le match. Et jusqu'à ce que Rhea Ripley intervienne encore et toujours. Voilà. Donc voilà pour cette petite parenthèse de Dominique Mysterio. Alors la ceinture de NXT a aussi été détenue par Malakai Black, qui est plus connu à la WWE comme Aleister Black. Oui. Mais il a actuellement pris ses distances avec le manque du catch pour se recentrer sur lui-même et pour sa santé mentale. C'est ça. Enfin, la plupart de ces grands champions de la WWE sont maintenant dans le roster principal. Je te redonne la parole. Et donc, du coup, avant de poursuivre et de parler des titres du roster principal, je crois qu'on en parle juste après, je te propose, Laura, et je vous propose, auditrices et auditeurs, de nous lancer dans une première pause musicale. Nous allons écouter une musique que nous aimons beaucoup tous les deux, Burn It to the Ground, que l'on peut traduire en français par Le brûler jusqu'au sol, du célèbre groupe Nickelback. Pour expliquer un petit peu la chose, c'était la musique de Monday Night Raw, utilisée de 2009 à 2012, soit sur une durée de 3 ans, n'est-ce pas ? Oh, comme tu sais bien compter. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on écoute ce morceau. Du coup, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc, d'ici à peu près un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. No doubt, I'll end balls out. Yes, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes. Alors, pour ceux qui étaient là pour la première édition, je ne reprendrai pas cette musique en a cappella pour le bonheur de vos oreilles et oui. Sur cette crise. Mais j'adore cette chanson. C'est ça, ouais. Je chante très bien en playback, hein, si je vous jure. Oui, en playback. D'ailleurs, avant que tu poursuives, je tenais à préciser que cette chanson est tirée de l'album Dark Horse, donc Cheval Noir de Nickelback. C'est leur 6e album studio sorti en 2012, me semble-t-il. Mm-hmm. Et voilà. J'adore ce groupe. Moi aussi. Alors, comme vous le constatez, nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Hein, c'est vrai. Pour cette 2e édition de Radio Catch. Alors, vous venez d'écouter Nickelback, donc ce groupe que nous adorons tous les deux. Alors, merci à celles et ceux qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci aussi à celles qui viennent, et celles et ceux, bien sûr, qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line. Et aussi par l'application Les Radios Associatives que vous pouvez télécharger via les stores de vos... Play Store, Google Play. Etc. Voilà. Alors nous avons parlé lors de la première émission des différents pay-per-view, que l'on appelle désormais les PLE. Ouais, voilà, dit dans la française. Chris attend avec impatience que je prononce l'anglais. Ah oui. Okay. Premium Live Event. Et maintenant, nous allons parler de... Je te déteste. Clash at the Castle. Merci. De rien. Là, je laisse la parole à Chris qui en peut plus de mon accent anglais. Il pourrait passer toute l'émission à se moquer de moi. Ça va partir dans le bêtisier. Alors, je laisse la parole à Chris qui va nous en dire davantage sur Clash at the Castle. Allez, c'est cadeau. Et par contre, tu nous as pas rappelé le titre du morceau qu'on vient d'écouter ? Burn it to the ground. Ah, mince, j'essaie de te piéger. Puis non, ça va pas partir dans le bêtisier, ça va rester. Ah, on se détend, on est là pour passer un bon moment. Voilà, une bonne soirée. Voilà, donc, c'est ça. Donc, Clash at the Castle. Donc, tout d'abord, pour vous donner un petit peu le contexte de ce grand show, de ce tout nouveau show d'ailleurs, afin de vous plonger directement dans le bain de la souffrance, oui, j'aime être sadique, c'est un de mes passe-temps favoris, je vais vous donner les informations pratiques. Tout d'abord, il faut savoir que le Clash at the Castle de cette année était la toute première édition de ce show. Il s'est déroulé au Principality Stadium à Cardiff, au Royaume-Uni. Cardiff étant bien sûr la capitale de... Du Pays de Galles. Voilà. Il a eu lieu le 3 septembre dernier, c'était un samedi, et fait intéressant, il s'agit du premier PLE de la WWE organisé en Europe. Et pour vous faire un petit rappel sur le fonctionnement de tout ça, les shows de la WWE comme de la AEW, sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes qu'on appelle bookers. Ces matchs sont justifiés par des storylines, des histoires opposant un catcheur gentil appelé Face et un catcheur méchant appelé Heel. C'est leur gimmick, c'est-à-dire le personnage qu'ils incarnent à l'écran et parfois même en dehors pour maintenir la crédibilité de l'histoire concernant, contrairement à d'autres superstars qui sont Heel et qui sont très très Face en dehors. Je pense notamment à Dominic Mysterio. Et Roman Reigns. Mais en fait, Roman Reigns est un petit peu flou, on sait pas trop là s'il est Heel, s'il est Face, je pense qu'il est un peu entre les deux. Du coup. Ouais, c'est un bon heal en vrai là. Ah oui, il est au top niveau, mais j'en ai un peu marre de le voir champion. Faudrait séparer les ceintures, il est temps. Oui, je pense aussi. Et donc voilà, donc en dehors pour maintenir la crédibilité de l'histoire, donc un PLE comme Clash at the Castle ou Extreme Rules, dont nous parlerons un petit peu plus tard si nous avons le temps, c'est donc l'occasion parfaite de faire prendre un tournant à l'histoire, à la storyline ou alors de la terminer. Donc ce show Clash at the Castle comprenait 7 combats sur sa carte, si on compte le pré-show. Mais Chris, qu'est-ce que le pré-show, vous me demanderez? Allez, demande-le-moi Laura. C'est quoi le pré-show, Chris? Eh bien je vous répondrai que c'est le kick-off. Et là vous allez me demander... Mais qu'est-ce que le kick-off, Chris ? Ben voilà, donc c'est en général un ou deux matchs, ainsi que la présentation du show diffusée sur les réseaux sociaux, des différentes structures et non pas sur les grands sites internet tels que le WWE Network, par exemple. Le main event, l'événement principal de ce show, était Roman Reigns contre Drew McIntyre pour les WWE Universal Championship et WWE Championship. Ce sont les deux titres les plus importants de la WWE. Nous parlerons bientôt d'ailleurs des différents titres, des différents championnats à la WWE et à la AEW, car oui, comme vous le savez certainement, dans le catch, il y a des ceintures de championnat comme en boxe, par exemple. Même si, je le rappelle une nouvelle fois, il ne faut pas confondre boxe et catch. Ça c'est important de le préciser, j'en vois beaucoup qui disent « Oui mais la boxe, oui, c'est vraiment le catch, non ?» Alors que c'est totalement faux, on en a parlé lors de la première édition. Si cela vous intéresse également, la chanson de ce Premium Live Event était le titre « Run » de Our Lady Peace. Et ne vous inquiétez pas, nous vous ferons écouter ce morceau un peu plus tard dans cette émission. Voilà, de toute façon, on vous l'annoncera. Du coup, ne perdons pas de temps, je me tourne vers toi Laura qui est en face de moi derrière la vitre. Et donc, qu'as-tu pensé de ce Premium Live Event Clash at the Castle ? J'ai regardé les 3 derniers matchs. Voilà, parce que c'est pas que les autres m'intéressaient pas, mais disons que j'étais beaucoup moins pris dans les storylines. Mm-hmm. Voilà. J'ai regardé les trois derniers matchs, à savoir Rey Mysterio et Edge contre le Judgment Day, avec le heel turn de Dominique. Tout à fait. J'attendais que tu notes. Et donc, mais Laura, c'est quoi un heel turn? Alors un heel turn, c'est quand un catcheur change de gimmick, à savoir de personnage du coup. C'est quand un gentil devient méchant et vice versa. Alors qu'est-ce que tu penses de ce changement de situation? Est-ce que pour toi, Dominique Mysterio est un bon heel ou pas? Alors, je pense que pour lui permettre d'avancer dans sa carrière et de ne pas rester dans l'ombre de son père, qui est très connu à la WWE, il est là depuis, il est cadre depuis 1989, il est à la WWE depuis 20 ans je crois, quelque chose comme ça. Il a fêté ses 20 ans de carrière. Je le sais parce que j'ai le jeu vidéo. De carrière à la WWE du coup, parce qu'il a commencé, il a catché en 89. C'est ça. Il a commencé, il avait 14 ans je crois. Oui voilà. 14 ou 16 ans sous le nom de El Colibri. Et donc pour ne pas rester dans l'ombre de son père, ce heel turn était nécessaire. Cependant, je pense que c'était peut-être un petit peu tôt pour qu'il le fasse, car il est encore tout nouveau, tout frais dans la discipline. Il a encore des choses à apprendre, notamment au niveau de ce in mic, c'est au niveau du micro, c'est ses prises de parole du coup au micro, ses promos. Et c'est peut-être simplement mon avis, mais j'ai l'impression que même lui a du mal à se convaincre qu'il est devenu heel, que ce soit du coup sur les réseaux sociaux ou même en dehors. On a l'impression qu'il est un peu sur la réserve, qu'il n'ose pas se lâcher, alors qu'un heel, il a beaucoup plus de liberté, vu que c'est le méchant, qu'un face. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que Rhea Ripley le materne un peu, et c'est elle qui lui apprend des choses au micro, tout ça. En fait, le fait qu'ils l'ont mis dans un groupe de heel, ça lui permet de sortir un peu de son personnage de face avec son père, voilà, de l'enlever, entre guillemets, parce que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il sera toujours dans l'ombre de son père, il sera toujours attendu au tournant, pour moi. Voilà. Donc après, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai que quand il doit donner des coups à son père, il a l'air convaincant, mais ça se voit qu'en fond de lui, il n'est pas convaincu, quoi. C'est ça. Alors, il n'est pas très à l'aise. Il a une certaine retenue, même si, comme on dit toujours, c'est scénarisé, tout ça. Sur certains coups, on voit qu'il n'est pas très sûr de lui. Donc voilà. Après, il reste talentueux, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à améliorer. Bah, il est très jeune, si je dis pas de bêtises, il est à ton âge. Il a un an de plus, il a 25. 25 ans, et à peine arrivé, il a été dans le roster principal. Je pense que c'est un peu trop tôt. Ouais. On en a déjà parlé dans la première. Mm-hmm. Hein. Pour moi, il aurait dû être formé encore un peu, histoire d'apprendre plus de choses, parler au micro, avoir plus de prestance et tout ça. Bon, bref, on va pas refaire la première émission, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Donc, je vais enchaîner sur les autres matchs que j'ai regardés pour Clash of the Castle. Waouh, super accent pour aujourd'hui. Alors, j'ai regardé le deuxième match, c'était Seth freaking Rollins contre Matt Riddle. Alors, une énième rivalité, on les voit s'affronter souvent. Ce match était très technique, assez spectaculaire, et on peut voir que les deux hommes ne semblent pas très s'apprécier hors du ring. Et j'ai vu une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, avec un YouTuber. Il me semble que l'histoire, c'est que la femme de Matt Riddle aurait insulté Becky Lynch. Je sais plus sur quelle affaire. Enfin bref, Matt Riddle n'a pas pris... Enfin, de toute façon, il est divorcé de sa femme. Enfin bref, on s'égare. N'a pas réglé les choses. Et du coup, Seth Rollins le déteste pour ça. Ouais, bah après ça, je pense qu'on saura jamais vraiment si cette haine, si elle est legit, si elle est vraiment réelle, ou alors si c'est juste pour les caméras. Je pense que ça, comme tu as dit, c'est leur vie privée, on sait dire, ça ne nous regarde pas forcément. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, alors lors de ce Catch of the... Clash of the Castle, c'est Seth Rollins qui a gagné. Alors lors de ce match, les fans fredonnaient à l'unisson sa musique d'entrée. Oh. Waouh. Attends. Oh, oh, oh, oh, do, do, do, do. C'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça. Et le troisième match que j'ai vu, c'était Roman Reigns contre Drew McIntyre. Roman Reigns. Aiguisé comme une lame. Pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut, comme le chantier Ragasonic featuring un TM, dédicace à Christophe Ajus. Alors j'étais scotché pendant tout le match car c'était très très prenant. Alors j'étais persuadée que Drew allait gagner, même si partout sur les réseaux tout le monde disait Roman Reigns il va encore gagner, sa famille elle va encore tricher, et je me suis dit mais non Laura, faut croire, arrête de regarder les réseaux, fais leur confiance. Donc petite fan que je suis, j'ai laissé mon petit cœur encore regarder le ring comme ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quel que soit l'adversaire qui soit contre Roman Reigns, il a toujours fait briller ses adversaires. Parce qu'en vrai, avec la puissance qu'il a, en deux minutes, il peut les mettre KO s'il veut. Bah oui, mais c'est aussi son rôle, je pense, en tant que visage de la compagnie, de faire briller ses adversaires jusqu'à perdre son titre un jour peut-être. Mais voilà, c'est, je pense que il a, je pense qu'en tant que champion, il a déjà, il a plus grand chose à prouver. Donc son rôle, vraiment, c'est non seulement de porter la compagnie, mais également de faire briller les superstars qu'il affronte. Voilà, c'est ça. Alors Drew McIntyre et Roman Reigns sont, sont assez imposants et je pense qu'on peut les mettre parce qu'on avait lors de la première émission classé les catcheurs par leur façon de se battre. Ouais. Et je pense que Roman Reigns et Drew McIntyre, je les mettrais dans les cogneurs et techniciens à la fois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. On sent qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils restent très safe dans leur prise. Mais Chris, qu'est-ce que ça veut dire safe, S-A-F-E ? Alors, eh bien, un catcher, une superstar safe, donc être safe, signifie faire attention à son adversaire pendant les matchs pour ne pas le blesser et proposer un joli spectacle aux fans, car comme on l'a dit lors de la première édition, on va le répéter rapidement, le but c'est pas de blesser son adversaire, c'est d'offrir du spectacle tout en maintenant la sécurité de son adversaire. Et puis Roman Reigns, comme Drew McIntyre, même s'ils sont talentueux et assez brutaux, ils savent quand même faire attention l'un à l'autre. Car c'est un travail d'équipe et non pas, c'est pas l'un contre l'autre, mais bien l'un avec l'autre. Donc voilà, c'est être safe, c'est faire gaffe à son adversaire pour ne pas le blesser et offrir un joli spectacle aux fans. Bah, c'est un beau spectacle, mais des fois tu vois vraiment les stigmates sur le corps des catcheurs. Randy Orton actuellement il est blessé, mais il prend souvent son adversaire et il lâche d'un coup le dos sur la table des commentateurs et vous voyez vraiment les stigmates de l'adversaire dans le dos, tout ça. Et. Bah, on va faire une petite parenthèse, Randy Orton. Je ne sais pas s'il reviendra parce qu'en fait, ça a pris le RKO, à savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, il saisit, l'adversaire est debout, il le saisit par le cou et il saute. Du coup, l'adversaire se retrouve face contre terre, c'est ce qu'on dit ? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, Randy Orton, il rebondit sur son dos. Oui. Mais ça fait tellement d'années qu'il fait ça, son dos est dans un état... du coup, je crois qu'il s'est fait opérer ou qu'il va se faire opérer. Je pense, moi, qu'il ne reviendra pas, même si sur les réseaux, il y en a qui espèrent qu'il reviendrait. S'il ne revient pas prochainement, je pense qu'il sera intronisé au Hall of Fame. Bah, de toute façon, qu'il revienne ou pas, il sera intronisé au Hall of Fame. Ça paraît être une évidence. Mm-hmm. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour, par exemple, pour prendre l'exemple de Saraya Page, par exemple, qui a dû prendre sa retraite des rings à cause d'une blessure à la nuque. Mm-hmm. Avant, on lui disait « tu ne remonteras plus jamais sur les rings ». Ta blessure est trop grave, mais là du coup elle est du côté de AEW, elle s'est fait réexaminer par le médecin de AEW et il a dit ok c'est bon tu peux remonter sur les rings. Donc on la verra certainement bientôt combattre, on l'a déjà vu remettre quelques coups et en recevoir et du coup je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais c'est vrai que la blessure de Randy Orton a l'air quand même assez importante. Voilà c'est ça, donc après je voulais revenir sur le match de Roman Reigns et Drew McIntyre. Jusqu'au bout, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au bout, j'ai cru que Drew McIntyre allait aller gagner, quoi. Et là, sorti de nulle part, un jeune capuché avec un sweat noir débarque de nulle part. Et si je dis pas de bêtises, il a tiré l'arbitre par le pied pour le sortir du ring. Et après, Roman Reigns a porté son spear ou il a fait sa prise de soumission ? Je suis en train de te poser une colle. Un des deux. J'avoue que je me souviens plus. Enfin bref, on va dire que Solo Sikoa a fait gagner Roman Reigns et a rejoint la Bloodline avec ses frères. Voilà. Mais il est annoncé un peu partout sur les réseaux sociaux, Solo Sikoa, qui est un des fils de Rikishi et un frère des Uso, mais voilà. Du coup, je t'ai pris ta phrase. C'est pas grave. Hein. Mais du coup, Chris, c'est qui Solo Sikoa ? Bah, tu viens de le dire. Du coup, Solo Sikoa, c'est le Benjamin de la famille Uso, à savoir que Rikishi, du coup, le père des Uso, et de Silly, de Solo Sikoa, pardon, a eu 4 fils qui catchent tous les 4 et une fille qui ne catche pas. Leur autre frère, qui n'est pas la WWE, catche dans une autre structure beaucoup moins connue que la WWE. Et toi, Chris, qu'est-ce que t'as pensé de ce PLE de Clash at the Castle ? Alors, ce que j'ai pensé de Clash at the Castle, eh bien, personnellement, j'ai bien aimé ce PLE, les matchs étaient assez qualitatifs, malheureusement, certains résultats de ce show étaient plus que prévisibles, on va pas se mentir, je pense notamment à l'issue du match Roman Reigns contre Drew McIntyre, et à Damage Control, donc le clan, le trio Bayley, Dakota Kai et Io Sky contre Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair. Toutefois, certains spots, ce sont les événements inattendus que nous avons pu voir, ont été assez surprenants, je dois bien l'avouer. Ici, je pense notamment à ce qui s'est passé après le match Rey Mysterio et Edge contre Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest avec Rhea Ripley dans leur coin. Donc à savoir que Dominic Mysterio a mis un coup bas à Edge et a mis un coup à son père pour rejoindre, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le Judgment Day. Donc dans ce match, il y a eu des spots intéressants, bien que prévisibles, et du coup le gros spot, si je puis dire, à la fin du match, qui a été un peu inattendu, je trouve, même si, bon, je pense qu'on peut dire qu'on se doutait que ça allait finir comme ça tôt ou tard, ce qui a mené aujourd'hui encore, à l'heure où nous enregistrons cette émission, à la suite de la storyline, qui est quand même mise entre parenthèses actuellement, dans laquelle une nouvelle personne a été intégrée, Beth Phoenix, qui est la femme de... Edge. Évidemment. Donc du coup, lors de sa première apparition dans cette storyline, elle a été un peu passée à tabac par Rhea Ripley du Judgment Day et a même subi un concerto. Mais d'ailleurs Laura, c'est quoi un concerto? Alors il en existe deux variantes. Tout d'abord, ça a été utilisé par Edge et Christian... Edge et Christian... On va prendre ça à l'anglais jusqu'au bout. Hein. Edge et Christian dans les années 2000. Et j'ai eu ma petite période où je regardais l'Attitude Era, à savoir les années 2000 à 2001 sur le network. Mm-hmm. Et donc, ils étaient ils pendant cette période, ils étaient en rivalité avec les frères Hardy. Ouais. Donc, en fait, le concerto, ils prenaient une chaise chacun, ils frappaient l'adversaire en même temps de chaque côté de sa tête. Hein, ça, c'est un genre d'étau qui écrase la boîte crânienne. Hein. Mais comme on le rappelle, bon, c'est. Ne fais pas ça chez vous, surtout. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est qu'une chaise est pliée, elle est posée sur le sol. La tête de l'adversaire est posée sur la chaise et la personne qui lui tape dessus, bah, lui éclate la tête avec l'autre chaise. Voilà. Tac. C'est ce qui s'est passé du coup avec Beth Phoenix. Est-ce pour ce qu'on appelle le kayfabe, elle est blessée. Donc est-ce qu'elle reviendra plus tard quand Edge sera de retour? Je pense. Je pense que ça va reprendre. Que Edge, il est absent pour je ne sais plus quelle raison actuellement. Parce qu'il va tourner un film, mais je sais plus. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un genre de film, Les Animaux Fantastiques, quelque chose comme ça. Mais on vous redira ça après la pause musicale. Tout comme je sais plus ce qu'on devait chercher sur. Oui, si NXT était à la télé il y a pas longtemps. Oui, bon, on n'a pas regardé. Voilà, bon. On regardera plus tard, on vous dira ça sur les réseaux parce que je pense qu'on va créer une page Facebook où on pourra échanger tous ensemble sur le catch et qu'on partage ça aussi hors antenne avec vous. Donc voilà. Du coup, je te redonne la parole parce que je te l'ai coupé, je suis désolée. Ouais, donc comme je disais, je pense que nous aurons tôt ou tard un match mixte Judgment Day contre Edge, Rey Mysterio ou AJ Styles et Beth Phoenix. Ça me fera d'ailleurs plaisir de voir Beth Phoenix en action car avant qu'elle prenne sa retraite en 2012, elle était très talentueuse. Cependant, depuis, Edge et Beth Phoenix ont eu deux enfants, deux filles. Donc oui, deux filles, hein, je crois. C'est ça, c'est Lyric et Ruby. Certainement. Donc, je ne sais pas si elle aura encore autant de talent, mais quand on la voit, on doit bien reconnaître qu'elle est encore très sportive. Elle s'entraîne encore régulièrement, musculation, tout ça. Donc, je pense qu'elle pourrait encore bien se débrouiller sur le ring. Tu m'étonnes. Bah, elle a eu un match avec Edge, le Grid Couple contre le Heat Couple. Heat Couple, ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Et franchement, Edge, elle est... Ah bah elle n'a rien perdu de sa superbe, comme dirait Tata Monique. Elle se débrouille bien. Et donc, ensuite, lors de ce show, la rivalité Seth freaking Rollins, Matt Riddle avait pris un nouveau tournant. Mais Chris, ça veut dire quoi, freaking? Alors, freaking est un mot anglais signifiant foutu. Donc, si l'on traduit, ça donne Seth foutu Rollins. Et je vous l'accorde, ça rend beaucoup moins bien en français. C'est pour ça que, du coup, même les commentateurs français l'appellent Seth freaking Rollins. Et je parle bien des commentateurs français, non pas des commentateurs québécois qui traduisent tout. Et c'est vraiment chiant. On est d'accord. Alors, Chris, Seth Rollins a eu plusieurs noms durant sa pas longue carrière, parce qu'elle n'est pas finie. Non. Elle est encore en plein essor. Alors, quels sont les différents surnoms qu'il a eu? Alors, il faut savoir que Seth Rollins n'a pas toujours eu ce nom de ring non plus. Au début de sa carrière, il se faisait appeler Tyler Black, qui n'est pas son vrai nom, en vrai il s'appelle Colby Lopez. Voilà, donc Tyler Black ça pourrait être son vrai nom, mais non. Et donc concernant les surnoms, on l'a connu sous le surnom de The Architect, qui signifie l'architecte à l'époque de The Shield, avec Roman Reigns et Dean Ambrose, qui est maintenant du côté de la AEW, sous le nom de Jon Moxley. On a connu Seth Rollins sous le nom de The Future of WWE, qui veut dire le futur de la WWE. On l'a aussi connu sous le nom de The Man, qui veut dire l'homme, et maintenant c'est sa femme, ironie. Et ironiquement, c'est sa femme Becky Lynch qui a hérité de ce surnom. Il a aussi eu le surnom de Kingslayer, qui veut dire le tueur de roi, ou encore Monday Night Rollins pour le Rollins du lundi soir. Un autre de ses surnoms a également été The Messiah, qui veut dire, pardon, qui veut dire le Messie. Sous ce surnom, il était allié à Buddy Murphy, Buddy Matthews à la AEW, et à Austin Theory, le plus jeune Mr. Money in the Bank de l'histoire, il n'a que 25 ans, et à Akam et Rezar, qui formaient l'équipe The Authors of Pain, ou AOP, pour les auteurs de la douleur. Et pour terminer avec les surnoms de Seth Rollins, on le connaît aujourd'hui sous le surnom de The Visionary, ou le visionnaire en français. Il en a certainement eu d'autres, mais j'avoue ne pas tous les connaître. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vérifié. On peut également préciser que ce grand show Clash at the Castle était un événement parfait pour Drew McIntyre. Mm-hmm. En effet, ce dernier est écossais, donc européen. Ce show a eu lieu au Pays de Galles, donc en Europe. Il n'était pas tout à fait chez lui, mais il n'en a jamais été aussi près. T'as vu ma belle phrase ? Oh, je suis ébloui par tant de charisme et de connaissances. Merci, ça me touche énormément. En plus, pour la petite anecdote slash information complémentaire, c'est la toute première fois, on l'a dit un peu plus tôt je crois, mm-hmm. que la AEW organisait un PLE en Europe. Je connais d'ailleurs des personnes qui habitent un peu partout en France et qui sont allées jusqu'au Pays de Galles pour assister à ce show. Donc ça montre bien ici l'importance et la grandeur de cet événement. Mais là, nous parlons bien sûr des Premium Live Event, car sinon il y a tous les ans des shows de la WWE qui se sont déroulés et qui se déroulent en France, à Paris surtout. Mais ici, on parlera de Live Event, il y en aura d'ailleurs en 2023, c'est-à-dire des shows qui ne sont pas diffusés à la télévision. Vous pouvez en trouver des images sur différents moteurs de recherche ou réseaux sociaux, mais vous ne trouverez jamais les Live Event en entier sur Internet. Ou alors, s'il y a des vidéos de la sorte en général, c'est quand même très mal filmé puisque c'est un spectateur dans le public qui filme et du coup ça dépend de sa place. S'il est trop loin, on voit pas bien. S'il est trop près, bon, on voit mieux, mais tout dépend de la qualité de son appareil. Et donc tout dépend de sa place, du monde qu'il y a devant lui et de la qualité du coup de sa caméra ou de son téléphone. Pour donner un exemple, j'ai déjà regardé un match filmé en live event et la personne qui filmait passait plus de temps à se filmer elle-même qu'à filmer le match. Mégalo à mort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Donc, c'était le dernier match de Ric Flair, le match de sa retraite. On voyait la personne qui filmait, le match il devait durer un quart d'heure. Le mec, il passait 10 minutes à se filmer entre quelques 2 ou 3 minutes du match. Après, il se refilmait après le match. C'était très mégalo, du coup, comme tu viens de le dire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir peut-être pas un WrestleMania à Paris, parce que ça serait peut-être un peu trop. C'est même plus un rêve, là, c'est carrément une utopie, là. C'est... Ah bah oui. Mais ouais. Un gros show en France. Je sais qu'ils viennent à Paris, mais c'est un live event. Mais un gros show à Paris. Même si je pourrais pas regarder, parce que je suis épileptique photosensible, etc. Je peux pas regarder la pyrotechnie, je peux pas regarder les flashs lumineux, nanana. Mais par procuration, tu iras pour moi. Voilà. Super. Alors, est-ce que tu as déjà été voir justement un show de la WWE en vrai, hors de la télé ? Eh bien, ouais, c'était il y a quelques années à Paris. C'était à l'Accor Hotel Arena. C'est d'ailleurs là qu'ils vont revenir l'année prochaine. C'était du coup à Paris lors des tournées internationales de la WWE. Je suis allé les voir. J'ai fait 4 heures de TGV aller, 4 heures de TGV retour. J'étais parti pour quelques jours à la capitale. J'avais pris une chambre d'hôtel avant de me rendre à l'Accor Hotel Arena le soir du show. Je m'en souviens d'ailleurs comme si c'était hier. Mais ça va là ? La grande marque pour les transports en commun était pas en retard. Non, ça allait là. Est-ce que tu as pu prendre des photos ? Alors, j'avais la chance d'avoir une place juste à côté de la rampe d'entrée. Donc, je voyais les superstars de tout près, donc je l'ai payé évidemment. Donc, du coup, plus t'es près du ring ou de l'action, plus la place est chère. Et logique. Donc là, j'avais économisé un bon moment pour pouvoir me payer cette place à côté de la rampe. Ça fait que je pouvais tendre ma main pour qu'il me tape dans la main. Et là, c'était pour un gros vent. Je rigole. Bon, certaines superstars, oui, d'autres, non. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite anecdote. J'étais à côté d'un homme que je ne connais pas. Mm-hmm. Et d'ailleurs, que je ne connais toujours pas aujourd'hui. Et puis, quand je me suis levé pour aller tendre ma main lors d'une entrée, je lui ai écrasé le pied. Et puis, quand je me suis rassis, je lui ai demandé vous avez écrasé le pied, non ? Il m'a dit que oui. Puis, je me suis excusé. Il m'a dit que c'était pas grave. Voilà, c'était la petite anecdote. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance également de voir Christophe Ajuste et Philippe Chiraud. Mais qui sont-ils ? C'est deux présentateurs officiels français pour Raw et SmackDown, mais Philippe Chiraud ne commande plus les PLE depuis quelques années, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, maintenant, c'est Christophe Ajuste et Nadir Mohamedi, parce qu'ils ont... Christophe Ajuste et Philippe Chiraud ont deux contrats différents, mm-hmm. donc c'est pour ça que ce n'est plus Philippe Chiraud qui commente les PLE avec Christophe Ajuste, donc j'ai eu l'occasion de les voir, et donc ils commandent depuis plus de 20 ans maintenant. Je les ai vus de loin, j'ai pas pu discuter avec eux, mais je les ai vus. À savoir que Philippe Chiraud, comme tu l'as dit, ne commande plus les PLE depuis quelques années. Maintenant, ils sont disponibles sur le WWE Network avec les commentaires de Christophe Ajuste et Nadir Mohamedi. Alors heureusement d'ailleurs que les commentaires français sont revenus, car avec les commentateurs québécois, comme on disait tout à l'heure, toutes les prises étaient traduites en français. Oui. Du coup, ça m'a tellement saoulé que je suis revenue en VO. La même. Non, en vrai, la même. Je crois que je n'ai jamais regardé un seul show avec les commentateurs québécois, parce que non seulement je trouve qu'ils en faisaient peut-être un peu trop, et avec toutes les prises traduites, ça, je trouve que ça cassait l'immersion. Par exemple, voilà, le Facebuster, ils vont dire l'écrasement du visage. D'accord. Bah après, c'est la traduction, mais les Québécois, ils aiment bien tout traduire. Voilà, par exemple, week-end, ils vont dire je vais être en fin de semaine vendredi. Bon. Ouais. Voilà, après, c'est leur. Et le spear, c'est comment qu'ils traduisent ça? Le coup de la lance. Oula, c'est horrible. Parce que a spear en anglais, c'est une lance. Mm. Mais bon, le coup de la lance, c'est beaucoup moins bien que a spear. Donc voilà, oh, Roman Reigns va de faire le coup de la lance. Quelle horreur. Il lui a mis le coup de poing de Superman. Bon. Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale avec la musique du show. Purée, je te déteste. Run du groupe Our Lady Peace. Et on se retrouvera juste après, tout de suite, sur le 107. Get out while we're young. Et vous êtes de retour sur Radio Gameozo 107. Vous venez d'écouter Run de Our Lady Peace. C'est d'ailleurs la chanson du PLE Clash at the Castle. Vous nous écoutez du coup sur le 107, sur notre application Orange Radio, qui va disparaître à la fin du mois de décembre, sur l'application Les Radios Associatives, ou encore sur notre site internet https://radiogameozo.radio-website.com/partout-en-France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et au Québec, entre autres. Vous venez du coup d'écouter Our Lady Peace avec le morceau Run, et je vous propose de nous lancer directement dans le prochain PLE Extreme Rules qui a eu lieu le 8 octobre dernier. Ça se passait à Philadelphie, en Pennsylvanie, au Wells Fargo Center. Le match principal de ce show, le main event, était Matt Riddle contre Seth Rollins. Seth freaking Rollins dans un fight pit match avec Daniel Cormier en arbitre spécial. Donc voilà, encore Matt Riddle et Seth freaking Rollins en main event. Voilà, c'est ça. Et je te remercie de ne pas me faire dire tout ça avec tous ces mots anglais. Alors, c'est quoi un fight pit match ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est une stipulation qui s'était seulement déroulée du côté de WWE NXT depuis la création du concept. Et il s'avère que Matt Riddle avait participé au premier match de l'histoire contre Timothy Thatcher, si on veut dire à la française. C'était le 27 mai 2020, c'était un mercredi. La stipulation est assez simple. Le ring est encerclé par une cage d'acier où il est possible de monter sur les côtés de la cage et de grimper du coup sur des plateformes qui sont en haut. La cage permet de remplacer les cordes qui sont généralement autour du ring. Aussi, le fight pit est différent d'un steel cage match puisqu'il est impossible de gagner en sortant de la cage. La victoire d'un fight pit, se termine seulement par KO sous le compte de 10 de l'arbitre ou par soumission. Dans l'idée, c'est un peu comme un match de MMA. D'ailleurs, Matt Riddle a un passé de combattant de MMA. C'est qui Daniel Cormier ? Alors Daniel Cormier, c'était l'arbitre spécial du match. C'est un lutteur et un combattant de MMA avec un palmarès de 26 combats, 22 victoires, 3 défaites et un match nul. Ne m'en demande pas plus, je ne saurais pas te dire d'autre chose. Et toi Laura, est-ce que tu as vu cette fois-ci le show complet ? Non, encore et toujours pas. D'accord. Alors comme d'habitude, hein, j'ai choisi les matchs qui m'intéressaient et ce que je voulais voir, à savoir Ronda Rousey, qui est ancienne combattante de MMA, face à Liv Morgan, Edge face à Finn Balor. Et le main event que j'attendais avec impatience, à savoir Seth Rollins face à Matt Riddle. Alors j'étais ravie du résultat car je souhaitais vraiment la victoire de Matt Riddle, histoire de mettre les compteurs à zéro. D'accord, et du coup, pour les matchs, pour les quelques matchs que tu as regardés, que tu as vus, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, disons que la fin du match de Ronda Rousey contre Liv Morgan était assez décevante. Bah, pourtant le match était bien parti, il y a eu vachement de belles actions, hein. Notamment quand Liv Morgan a écrasé Ronda Rousey sur une table depuis le coin avec une descente de la cuisse, oui. Qu'on appelle le leg drop. C'est ça. Du coup, la fin n'était pas à la hauteur de mes attentes et la prise de soumission de Ronda Rousey avec Liv Morgan qui sourit comme si elle était sadique envers elle-même m'a fait rire, mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu ridicule et ça m'a limite fait pitié, quoi. D'accord. Pour ce qui concerne le match de Edge contre Finn Balor, j'ai trouvé très palpitant. Il y a eu beaucoup de comptes, de prises, de la technicité et surtout énormément de spectacles. Ils nous en ont mis plein les yeux et je les remercie pour ça, parce que vraiment c'est pour ça que j'adore le catch depuis tant d'années. Et c'est, en même temps, je pense que c'est ce qu'on cherche en tant que fan de catch. Quand on regarde un match, c'est d'en avoir plein les yeux. Oui, ou tout, comme tous les sports, j'ai envie de te dire. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'est ça. Parfois les résultats sont prévisibles et décevants, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors que celui-là était prévisible, il y avait quand même une surprise, c'est que nous n'avons pas vu venir l'arrivée de Beth Phoenix, la femme de... Edge. Bien. Et enfin, le main event, le match de Seth Rollins contre Matt Riddle dans le Fight Pit Match. Je vais me la péter, je parle bien anglais en ce moment. Ouais, c'est cool. Dont nous parlions juste avant. Alors j'ai découvert ce type de match durant ce PLE, j'ai beaucoup aimé les interventions de l'arbitre spécial Daniel Cormier. Pour une fois, Seth Rollins ne pouvait pas tricher et j'étais contente. Voilà, et du coup... je sais pas si tu as vu, mais il y a quelques jours, Seth Rollins est revenu avec sa chevelure blonde comme à l'époque de The Shield. Ouais, j'ai vu ça, mais sauf que dans The Shield, il avait qu'une partie de ses cheveux blonds. Là, actuellement, ça ressemble plus à une décoloration. Mais merci d'ailleurs pour ce petit point capillaire, ça nous est très utile ici à Radio Gamozo, c'est ce qu'on demande. Voilà, donc après, je dis il y a quelques jours, c'était il y a une ou deux semaines, voilà. À l'heure où nous enregistrons cette émission, toujours. Donc du coup ce match. Voilà, c'est ça. Donc bah, pour ce petit point capillaire, hein, bon bah on rassure nos auditeurs, je ne vais pas demander un partenariat avec tes coiffeurs. Ah bon, tant pis. Alors pour moi le match a tenu toutes ses promesses, on voit que les deux se connaissent bien, hein. Le fait qu'ils aient combattu plusieurs fois l'un contre l'autre leur a permis d'anticiper certains coups et certaines prises. Il y a une bonne alchimie entre eux, chacun a voulu voler la prise de finition de l'autre. Il y a eu des spots assez impressionnants. Matt Riddle qui a sauté du haut de la cage sur le ventre de Seth Rollins. Quand il est tombé sur lui, j'ai eu mal. Je dis « Wouah !» Bah, j'ai eu plus mal pour Seth Rollins que pour Matt Riddle. Mais tu les vois à la fin, ils hurlent de douleur les deux. Je me suis dit « Là, ils vont devoir arrêter le match parce que les deux vont être forfaits ou quoi. Mm-hmm. » Donc voilà. Du coup, toi, Chris, qu'est-ce que t'as pensé du Premium Live Event ? Alors moi, contrairement à toi, oui, toi, là-bas, à l'intérieur de la vitre, j'ai regardé tous les matchs. Il y en a devant lesquels je me suis quand même bien ennuyé, on va pas se mentir, mais il y en a d'autres dans lesquels j'étais vraiment à fond dedans. En vrai, c'est comme pour chaque show, hein. Il y a des matchs qui nous intéressent plus que d'autres, il y en a d'autres où c'est une petite pause café, mm-hmm. Il y en a une pause thé, une pause pipi, et il y en a d'autres où on est à fond dedans, on n'arrive pas à décrocher les yeux du match. Voilà. Bah, pour le match de Ronda Rousey, on avait presque le temps de faire une petite pause pipi sur la fin. Hein. C'est pas faux. Alors du coup, lesquels matchs tu as préférés ? C'est une très bonne question. Merci. Avant de te dire du coup quel match j'ai préféré, je dois bien avouer que j'ai été très déçu, comme toi, par le résultat du match Ronda Rousey contre Liv Morgan. Je m'explique. Mais vas-y, la France t'écoute, nous sommes tout ouïes. Merci, c'est gentil. Donc j'avoue ne pas avoir compris la décision des bookers d'avoir fait gagner Ronda Rousey, en sachant que pour l'encaissement de la mallette de Liv Morgan, donc le soir du Money in the Bank, c'est Ronda Rousey elle-même qui a demandé aux officiels, aux bookers, à ce qu'elle cachine, donc à ce qu'elle encaisse la mallette sur elle lors de Money in the Bank. Donc je pensais que la victoire allait revenir à Liv Morgan, mais finalement non. Et j'avoue, j'ai pas tout compris, en sachant que c'est Ronda Rousey qui a demandé à ce qu'elle encaisse sa mallette il y a quelques semaines. Alors, ils auraient pu faire les choses mieux, selon moi, construire une véritable histoire, une vraie storyline. Alors pour moi, honnêtement, Liv Morgan, je vais pas dire qu'elle méritait pas d'être championne, mais c'était une championne par intérim. Parce que nous avions moins vu Ronda Rousey sur les rings ces derniers temps, parce qu'elle a récemment construit sa propre famille, Elle a eu une petite fille, donc elle a du temps à lui accorder tout ça. Alors pour Triple H, Ronda Rousey est l'une des meilleures catcheuses des deux shows confondus, je suis d'accord avec lui, mais il la met un peu trop en avant. On va se rejoindre là-dessus. Alors j'ai peur, et toi je sais qu'aussi tu as peur de ça, qu'il y ait une nouvelle rivalité avec Charlotte Flair qui devrait, selon moi, revenir prochainement. Et j'ai pas hâte qu'elle revienne. C'est vrai. Ben, c'est bon, on va en parler. D'ailleurs, Charlotte Flair qui s'est mariée il y a quelques semaines avec Andrade. Quelques mois, oui. Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, elle était déjà plus là quand elle s'est mariée, mais avec Andrade. Donc voilà, on va quand même lui adresser nos félicitations, même si elle nous écoute certainement pas, on va pas se mentir. C'est sûr. Mais au moins, voilà, on lui adresse ses félicitations. Et donc, comme j'ai toujours dit, je respecte la femme qu'elle est, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec la catcheuse. Donc j'ai peur aussi que malheureusement, non seulement tu aies raison, mais que les titres tourne encore toujours autour des mêmes superstars. C'est simple, selon moi, quand Charlotte Flair s'absente pour telle ou telle raison, on peut être sûr à 95% qu'elle va retoucher un titre peu de temps après son retour. Et comme Charlotte Flair est la fille de Ric Flair, d'ailleurs je vais certainement me faire taper sur les doigts par les fans de Charlotte Flair, qui est du coup Ric Flair lui-même, il est 16 fois champion du monde. Et donc je disais, j'ai peur que la WWE fasse en sorte que la fille batte le père, et donc que c'est pour ça qu'il souhaite lui faire gagner des titres. Encore et encore et encore, aussi talentueuse soit-elle. Est-ce qu'elle a eu les titres par équipe, Charlotte Flair ? Oula, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas réponse, je t'avouerai. Je ne pense pas. Je crois pas non plus. Et il faudrait peut-être lui faire gagner ce titre-là, histoire qu'elle nous foute la paix. Avec les titres, les titres tout seul. Les titres solo, quoi. Les titres solo. Voilà. Alors, est-ce que tu crois que Ric Flair a son mot à dire sur les titres de sa fille et sur le fait de la mettre très, et à mon goût, trop en avant? Je ne pense pas que Ric Flair ait forcément son mot à dire là-dessus, mais comme c'est un bon ami à Triple H, le nouveau grand patron du coup de la WWE, je pense qu'il veut quand même la mettre en avant pour qu'elle devienne la nouvelle détentrice du record. D'ailleurs, je te propose de dire quelques mots sur le vestiaire féminin tant qu'on y est. Voilà. Bah, pour moi, Rhea Ripley monte en puissance depuis quelques années déjà. Elle mériterait d'avoir à nouveau un titre. Mais pour ça, il faudrait qu'elle se sépare du dieu du Monday. Et j'aimerais bien qu'elle soit championne. Du coup, pour la prochaine draft, bah, c'est comme un transfert d'un choix à l'autre, hein, un peu comme au football. Hein, ouais, voilà, c'est ça. J'aimerais bien qu'elle soit draftée à SmackDown pour qu'elle entre en rivalité avec Bianca Belair pour les Survivor Series. Alors, les Survivor... Survivor Series. Les survivants de la série. Alors, vous avez les deux Browns. Bah, oh yeah. Vous avez Raw et SmackDown. Il y a un champion, comme on l'expliquait, dans chaque brand. Donc un champion à Raw et un champion à SmackDown. Donc si Rhea Ripley est à SmackDown, elle va affronter Bianca Belair, qui est championne de Raw. Voilà, c'est ça. À l'heure où on enregistre cette émission, elle est toujours championne. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre cette émission, elle a gagné contre Bayley à Conjure. Ces derniers jours. C'est ça. Donc j'aimerais vraiment bien voir ces deux-là se battre l'une contre l'autre, parce qu'elles se connaissent très bien. Elles sont amies dans la vie. Oui. Alors d'autres filles ont pour moi un avenir prometteur, à savoir Raquel Rodriguez. Elle a beaucoup de potentiel, elle me fait penser un peu à Shayna dont on salue la mémoire. Donc à voir sur le long terme. Voilà. À l'heure où nous enregistrons cette émission, les nouvelles championnes par équipe sont Alexa Bliss et Oscar. Bah non, du coup. Bah du coup, non. Parce qu'on a écrit cette trame il y a quand même plusieurs jours maintenant. Et entre-temps, Alexa Bliss et Asuka, qui avaient remporté les titres face à Dakota Kai et Io Sky, ont perdu les titres face à Io Sky et Dakota Kai. En gros, Alexa Bliss et Asuka ont eu un règne de 5 jours. Elles ont perdu les titres face à Dakota et Io. Et du coup, maintenant, c'est Dakota et Io qui ont remporté à nouveau les titres. J'avoue que je n'ai pas compris pourquoi la WWE a donné un règne de 5 jours à Alexa Bliss et Asuka. Mais bon, parfois, les décisions de booking sont très discutables. Bah, c'est vrai, voilà. Du coup, les deux là, bah, Alexa Bliss et Asuka, sont bonnes en individuel. Et il était temps qu'elles reviennent sur le devant de la scène. Mmh, franchement. D'accord. Charlotte Flair. Ça va aller. On a l'habitude de les voir catcher en solo. Mmh. Et le fait de les mettre en équipe, bah, on se dit que ce n'est pas facile parce qu'elles ont chacune leur façon de combattre, chacune leur charisme, leur prestance. Et j'avais peur que ça fasse un peu. Qu'ils n'avaient pas forcément d'alchimie, tu vois. Mmh. Parce qu'elles peuvent avoir chacune leur fierté et tout. Donc, pour moi, ça faisait une bonne équipe, mais la WWE a apparemment décidé que c'était pas la peine de continuer, même si c'était, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Et toi, Chris, tu es toujours aussi fan de Nia Jax. Ha ha ha, tu es drôle. Je sais. Je n'ai jamais été fan de Nia Jax, non seulement elle était très dangereuse sur les rings, elle n'était pas safe, et en plus, niveau talent, c'était loin d'être extraordinaire. Je pense que s'il y a des fans de catch qui nous écoutent actuellement, d'ailleurs je suis sûr qu'il y a des fans de catch qui nous écoutent actuellement, ils seront d'accord avec moi, Nia Jax n'était pas non plus une Rhea Ripley, quoi. Voilà, puis elle était tellement talentueuse que même la UW n'en veut pas. Non, c'est méchant ce que je dis. Bon. Oh, c'est pour rire. Oui. Alors du coup, qui est pour toi l'avenir du côté des femmes de la WWE? Alors, t'as remarqué, j'aime bien dire ça. Ouais, surtout pendant l'écriture de la trame. N'est-ce pas? C'est une bonne question. Si je devais donner quelques noms, ce seraient des noms de catcheuses de NXT. Pour moi, ce sont bien bookées. Gigi Dolin et Katana Chance font partie de l'avenir de la WWE, donc Katana Chance, qui catchait avant sous le nom de ring de Casey Catanzaro, qui a d'ailleurs participé à Ninja Warrior, il y a quelques années. Gigi Dolin et Katana Chance. Maintenant, pour donner des noms du roster principal, je dirais Dakota Kai, qui a toujours été très talentueuse, même sur le circuit indépendant, quand elle catchait sous le nom de Heavy. Et mon côté fanboy dirait Alexa Bliss. Voilà, je pense que nos auditrices et auditeurs le savent, Alexa Bliss, c'est vraiment mon idole actuelle. Si on oublie Trish Stratus et Saraya, même si Saraya est de retour, et je suis bien content. Et donc, d'autres noms qui me viennent en tête sont Liv Morgan. Si son changement de gimmick de personnage persiste, elle pourrait aller encore très loin. Elle devient un peu plus sombre, un peu plus dark. Et puis j'avoue que ça me plaît bien. Trish Stratus, la photo dédicacée que tu attends avec impatience quand je vais recevoir ma box. Voilà. Et que tu vas me photographier sur du papier photo. Voilà, comme ça sera presque une vraie. On va photocopier du coup. Voilà. Alors est-ce que tu penses que Liv Morgan pourrait former une alliance avec Bray Wyatt? Je pense que oui, j'avoue que j'hésite entre deux noms, Liv Morgan et Alexa Bliss. Mais du coup, vu que tu me demandes pour Liv Morgan, je vais répondre. Sur Liv Morgan. Donc je pense que oui, récemment lors d'un PLE, nous avons vu les personnages de la maison de Bray Wyatt, de la Firefly Funhouse. Nous avons vu prendre vie avec du coup, bien sûr, des superstars ou des extras, on ne sait pas trop, qui sont costumés, masqués, etc. Mm-hmm. Et si ça continue comme ça, je la vois bien en tant que Abby, un des personnages de Bray Wyatt. Pour les autres personnages masqués de la Firefly Funhouse, c'était l'émission bizarre de Bray Wyatt. D'ailleurs, je laisserai nos auditrices et auditeurs regarder s'ils veulent voir plus en détail. Je dirais que Grayson Waller est sous le masque de la buse. Grayson Waller, c'est un catcheur de NXT. Joe Gacy, catcheur de NXT, sous le masque du cochon. Bo Dallas, sous le masque de The Fiend. Bo Dallas, qui est le frère de sang, hein, de Bray Wyatt. Soit sous le masque de The Fiend, soit sous le masque de Oncle Audi. C'est un personnage qui est apparu il y a quelques semaines. Et sous le masque du lapin, j'avoue que j'ai aucune idée, j'attends d'être surpris. Et donc, du coup, bah, Liv Morgan, sous le masque de Abby la sorcière, c'est rigolo parce que quand je dis ça, j'ai l'impression d'être dans l'émission Masked Singer. C'est pas faux. Je voulais juste rebondir sur ce que t'as dit. Comme on dit. On a vu du coup à Kwanjul un petit spot où il y avait Asuka et Alexa Bliss, et on a vu le petit logo de Bray Wyatt en vidéo, donc ça laisse à penser pour moi que Alexa Bliss va revenir du côté obscur. En sachant que du coup Alexa Bliss avant était alliée au Fiend, avant que le Fiend se fasse licencier, Bray Wyatt se fasse licencier, donc elle était alliée à lui. Et donc, du coup, quand on l'a vu que Alexa Bliss a regardé l'écran, et qu'elle a secoué la tête pour dire non, ne replonge pas là-dedans, concentre-toi sur aujourd'hui. Donc, c'est d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui lui a fait perdre les titres. Mm-hmm. Et donc, ouais, peut-être que Alexa Bliss va replonger du côté obscur et va rejoindre Bray Wyatt. C'est pour ça que je disais que j'ai un doute pour Abby la sorcière. Est-ce que c'est Liv Morgan? Est-ce que c'est Alexa Bliss? Je sais pas trop, j'hésite entre les deux. Bah, s'ils prennent les deux. Mais du coup, elles seraient. Les deux pour faire le même personnage ? Non, les deux pour former une alliance, mais ça ferait peut-être peu trop de monde d'un coup, je pense. Bah, elle pourrait former une équipe de heel bien sombre. Bien sombre et bien. Elles sont toutes les deux talentueuses, hein. Mm-hmm. Donc bien charismatiques aussi, elles dégagent toutes les deux quelque chose. Donc je pense que ça pourrait être deux petites têtes blondes, pas mal. Ce qu'elles pourraient faire de bonnes championnes, du coup. Je pense. Je vais te dire un truc qui te fera rire, c'est qu'Alexa Bliss, je ne pense pas que ça soit le lapin. Oh, non, sans blague. Oh là là. Non, parce que Alexa Bliss, je crois qu'elle est plus petite que moi, savoir que je fais 1m68 et je crois qu'elle doit faire 1m67 vers là. Oh non. 65. Oh non, t'en es loin. C'est plus, c'est moins. Elle doit juste faire dans les 1m. 1m55, 56. Mimi Mathis, tu nous regardes. Ah, tu nous écoutes du coup. Oui, c'est mieux. On est à la radio, il n'y a pas d'image. Oui, c'est vrai, j'oublie souvent. Alors, on va faire une petite pause, nous, pour boire un petit peu, parce qu'on parle beaucoup. Ah oui. Vous, pour reposer vos oreilles. Voilà. Donc, on va vous laisser un peu en paix. On va se lancer dans une troisième pause musicale avec le thème de Extreme Rules. Et merci à Chris de m'avoir marqué encore les titres en anglais. C'est simple. Belle approach. Ouais. Nanananana. C'est pas un bébé la tchao, non? Ouais, bon. Bon, belle approche avec leur titre vilaine. Tout avec de suite sur titre. Le 107. Avec son. Oui, nous allons nous lancer. Bon, bref, c'est belle approche avec leur titre vilaine. Tout de suite sur le 107. I don't know why I'm like this. I love to piss you off. Something in my psychosis finds it a little hard. I always got good intentions. You tell me I saved your life. But I'm craving your attention. And you know that I got two sides. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107. Vous venez d'écouter Bella Porche et son titre Vilaine. Et vous êtes bien sûr toujours dans Radio Catch. On le rappelle, Vilaine, comme tu l'as dit, Laura, c'est la musique du show Extreme Rules. Voilà, c'est ça. Et Vilaine toi-même. Merci. Donc du coup, vous êtes bien sûr dans Radio Catch. Qu'est-ce que Radio Catch ? C'est l'émission pour les initiés, comme pour les non-initiés d'ailleurs. Et maintenant, les non-initiés plutôt, je vous propose de parler des différents retours que nous avons eus ces dernières semaines. Tout d'abord, nous avons vu le retour de Carl Anderson et Luke Gallows, qui étaient avant du côté de AEW, qui formaient les Good Brothers, et qui ont rejoint du coup leur pote AJ Styles pour reformer le clan The aussi pour Original Club, comme on le disait en début d'émission. Et donc ils sont actuellement en rivalité avec le Judgment Day, qui est composé, on le rappelle, de Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Alors pour qu'il y ait une égalité entre les deux clans, moi je pense qu'il faudrait une fille dans The aussi. Et à qui penses-tu ? Ah, je pense à Raquel, qui a à peu près la même carrure que Rhea Ripley, si ça se fait. Comment tu vois ça, toi ? Est-ce que tu penses que ça pourrait être elle ? Non. Ouais. À vrai dire, je ne vois pas comment la mise en équipe pourrait se faire d'une part, et d'une autre part, je pense soit à Beth Phoenix, la femme de Edge, pour qu'elle puisse se venger à la suite de l'attaque qu'elle a subie, ou alors, pendant la pause musicale, on a discuté, à l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a Mia Yim, qui est de retour et qui a frappé Rhea Ripley, tu m'as dit. J'avoue que je n'ai pas vu encore ce show. D'ailleurs, Mia Yim, qui était avant dans le clan avec sous le nom de Reckoning, je ne sais plus c'était quoi le nom du clan, j'avoue, il m'a tellement marqué que... Retribution, un clan qui a fait un flop total. Avec Mustafa Ali en leader. Ouais, ça a fait un flop. Flapjack, T-Bar. Slapjack, T-Bar. Ouais, c'était claqué. Reckoning, voilà. Donc, du coup, elle était sous le masque de Reckoning. Maintenant, elle est revenue en tant que Mia Yim. D'ailleurs, Mia Yim, qui est la femme de Keith Lee, qui est du coup à la AEW. Ah oui, tu as raison, ça serait finalement un peu plus logique vu la fin de Extreme Rules. Avec ouais, si Beth Phoenix revenait. Donc vu qu'on parle des retours, nous pouvons peut-être dire quelques mots rapides sur les différents retours ces derniers mois. Donc nous avons eu celui de Johnny Gargano, le mari de Candice LeRae, le retour de Candice LeRae elle-même, est revenue après avoir accouché, Braun Strowman, colonel, comme dit Christophe Ajus, Karrion Kross et sa valet et femme, du coup, en dehors des écrans, Scarlett et Emma. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses de ces retours ? Laura, dis-moi tout, on t'écoute, on est tout ouïe également. Merci pour une fois que tu m'écoutes. Ouais, c'est vrai. Alors je voulais juste dire que beaucoup de femmes qui ont été enceintes, qui sont revenues sur le ring, sont vraiment des warriors. Ah, c'est vrai. Parce que gérer une vie de famille, plus reprendre intensément le sport, bah, je pense pas qu'elle peut récupérer tout de suite le niveau qu'elle avait avant. Quoique Becky Lynch, elle a bien démarré en trombe quand même. Hein. Et Ronda Rousey aussi. Malheureusement, Becky Lynch qui est blessée actuellement. Luxation de l'épaule, je crois. Voilà. Et on lui souhaite de revenir prochainement. Bien sûr, je crois qu'elle a joué dans... Elle a paru dans l'émission, dans la série télé Young Rock, qui revient sur la vie de The Rock, Dwayne Johnson. Elle était, je crois, en tant que Cyndi Lauper. Stylée, en plus. J'ai vu les photos. Ouais, c'est vrai, elle est très classe. Par contre, dans les médias, Becky Lynch, parce qu'elle est en fait à la fin du show The Clash of the Castle, quand elle a joué, on n'est pas sur les jeux vidéo, quand elle a combattu contre Bianca Belair, Bailey est sortie de je sais pas d'où avec Dakota Kai et Io Sky. Wow. Et du coup, elle est devenue face. Mais Becky Lynch a dit dans les médias qu'elle préférait être heel parce qu'elle a plus de liberté. Et je suis assez d'accord avec elle. C'est une bonne heel. C'est vrai. Elle est très douée. Faut voir ce que ça va donner quand elle va revenir en face en vrai. Je l'ai vu en face, c'était la rivalité avec encore et toujours Charlotte Flair. Becky Lynch, Charlotte Flair. Charlotte Flair, Ronda Rousey. Ah. Ronda Rousey, Becky Lynch. Donc du coup, on va mettre ça de côté. Voilà, c'est ça. Donc on va reparler des retours. Voilà les autres retours du coup. Je sais que Johnny Gargano a fait équipe avec Tommaso Ciampa à NXT. On disait tout à l'heure qu'il avait été blessé, qu'il est actuellement blessé. Et il est avec The Miz. Qui considère comme son ami, je sais pas quoi, je trouve ça totalement débile. Pour moi, Tommaso Ciampa doit se battre en solo. Ouais, ils étaient entrés en rivalité. Enfin, plutôt The Miz contre Dexter Lumis, qui lui aussi avait été licencié et qui est revenu du coup. Donc il y avait Tommaso Ciampa qui l'a rejoint dans cette storyline et qui lui a fait équipe avec lui, j'avoue que j'ai pas compris non plus. Mais bon, voilà, Dexter Lumis et The Miz qui sont en rivalité, toujours. Alors, nous enregistrons cette émission qui est toujours d'actualité actuellement. Alors, je voulais juste dire quelque chose, c'est que je suis ravie qu'il y ait beaucoup de retours, mais je me pose la question, comment ils vont faire pour faire... ils peuvent pas faire catcher tout le monde, à un moment donné ça va poser un problème, il y en a qui vont être frustrés. Mustafa Ali revient actuellement sur le devant de la scène pour tenter de remporter le titre des États-Unis. Mais pendant des mois, il demandait, mais moi, je veux partir, je veux me mettre en avant, je m'entraîne, ça donne rien. Et c'est vrai. Et j'ai peur que ça fasse ça pour ceux qui reviennent, qu'on peut pas faire mettre tout le monde en avant, c'est pas possible. Bah, c'est toujours le même problème. Hein. Ça embauche, ça recrute, ça revient, et finalement, y en a qui vont rester dans les vestiaires. Quoi. Parce qu'en fait, ils mettent en avant ceux qui sont revenus, mais ceux qui restent dans les vestiaires, bah ouais, mais ils sont revenus, c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Ouais, voilà quoi. C'est ça, ouais, c'est un peu compliqué. Après, on peut espérer que sous la direction de Triple H, ça ira un petit peu mieux, mais de toute façon, tôt ou tard, il y a 2 shows par semaine. En Amérique, aux États-Unis, ça fait le show de 3 heures. Donc ils peuvent utiliser des gens pour la version européenne, mais nous, en France, vu qu'on a une version d'une heure et demie, on les verra peut-être pas. Donc c'est un petit peu complexe comme situation. À savoir qu'aux États-Unis, les shows durent 3 heures. Alors je me dis, mais comme nous, c'est 1 heure et demie, qu'est-ce qu'on loupe ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on loupe ? Ou est-ce qu'on finalement, on loupe rien ? Ça, on ne saura pas. Bah ça, on ne sait pas, parce que c'est la direction des chaînes françaises, donc là, du coup, AB1. Mm-hmm. Bah, c'est la direction de AB1 qui décide quel match ils gardent, quel match ils enlèvent. Donc c'est après ça, on n'est pas dans leur bureau. Mm-hmm. Donc, si seulement. Ouais. Non, mais on est bien ici à Radio Game of Thrones. On serait bien des bons scripteurs, nous, en vrai. J'avoue. Donc je sais pas comment ils choisissent, comment ils décident. C'est un peu. Puis j'avoue que je vais pas émettre d'hypothèse parce que je peux pas. On ne sait pas, on connaît pas. Bah à la limite, faudrait presque faire une 4e brand. Histoire de mettre tout le monde. Ouais, je sais pas. Enfin voilà. Moi c'est le bien tombé. Oh, c'est les aléas du direct, même si on n'est pas en direct, mais bon, vous avez compris. Voilà, c'est ça. Alors, je parlais de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui sont amis dans la vie, mais il y a eu des grandes rivalités entre eux. Ils ont formé une équipe, que je ne veux pas le dire le nom parce que je ne me rappelle plus, et Chris non plus. Non, c'est vrai que ça se met un petit peu. Je sais plus. Voilà, bah, j'ai appris dernièrement que Johnny Gargano a fait équipe avec Kevin Owens, qui s'appelait Kevin Steen à l'époque sur le circuit indépendant. Il formait l'équipe Panda Express. Et pourquoi Panda ? Ben, un truc tout bête, hein, c'est tout simplement parce que Kevin Owens est fan des pandas, et si je devais former ma propre équipe, je pense que ça aurait un rapport avec les chats. Cat lovers. Les amoureux des chats. Alors j'ai vu quelques rumeurs sur internet disant qu'ils aimeraient reformer l'équipe ne serait-ce que pour une soirée, et du coup, est-ce que ça te ferait plaisir, toi, si ça se faisait ? Ah, je trouve que ça serait une bonne idée, les deux superstars se complètent bien, ils s'entendent bien, ils sont amis depuis de nombreuses années maintenant, et donc je serais plutôt pour, en plus ça leur permettrait d'être encore plus mis en avant, parce que bon, Kevin Owens on le voit de temps en temps, mais on le voit pas toutes les semaines, Johnny Gargano, bah là on le voit un petit peu assez souvent parce qu'il est en rivalité avec The Miz, mais c'est vrai que ils pourraient former une belle équipe, être sur le devant de la scène, et pourquoi pas vraiment sur votre... si on veut rêver sur le chemin des titres, la route des titres par équipe, pourquoi pas. Oh, franchement, non. Pour moi, Kevin Owens, il est fait pour être en solo. Seul l'avenir nous le dira. C'est ça. Alors du coup, toi, tu regardes plus le catch féminin que moi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Candice ? Bah, j'avoue que j'ai toujours apprécié Candice LeRae et son catch, même quand elle était sur le circuit indépendant, du coup. Et quand elle est revenue, il y a quelques semaines maintenant, qu'elle a gagné son match de retour, j'avoue que j'ai été agréablement surpris, ça m'a fait plaisir. Donc que dire des autres retours ? Karrion Kross est actuellement en rivalité avec Drew McIntyre, avec du coup Scarlett qui est de son côté, et ainsi que, à savoir que Karrion Kross, Scarlett ainsi que Braun Strowman avaient été du coup licenciés sous prétexte de coupure budgétaire. Oh, il y a eu un bon dos pour la coupure budgétaire en vrai. Ouais, donc je pense qu'on connaît les vrais réseaux, mais on va pas s'étaler là-dessus. Ouais, j'ai pas envie de faire du gossip. Non, faut aller de l'avant maintenant. Voilà, j'ai pas envie de faire du gossip, mais bon, coupure budgétaire. Ouais, ça a bon dos. Voilà. Donc tout comme Karl Anderson et Luke Gallows, et même Bray Wyatt, entre autres, qui ont été licenciés sous prétexte de coupure budgétaire, alors que la WWE fait des milliards et des milliards. Mais bon, si on connaît l'histoire, voilà. Avoue que t'as été choqué du licenciement de Nia Jax. Ah, de ouf. De fou, mais de fou. Alors moi, j'aimerais bien faire un petit point sur Sami Zayn, qui monte en puissance depuis quelques mois. Il a sorti un truc, mais ça... Logiquement, enfin, Roman Reigns et Jey Uso, ils sont un peu, entre guillemets, en conflit dans leur clan, parce que Jey Uso se méfie de Sami Zayn. Ouais. Mais Sami Zayn, il a sorti un truc et Jey Uso est sorti de son personnage. Ils se sont tapés un fou. Même Roman Reigns. Hein. Ouais, c'était difficile de revenir dans l'histoire. Il a dit, mais t'es pas très Uso. Uso, voilà. Uso, c'est, ça veut dire frère, je crois, en Samoa. En Samoa, ouais, les Uso, donc Uso, donc elle dit Uso, c'est Jimmy et Jay qui sont frères jumeaux, Roman Reigns qui est leur cousin. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui me plaît bien. À chaque fois, ça me fait sourire quand une superstar sort de son personnage parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ouais, donc. Surtout, il y a Sami Zayn, il a dit tu n'es pas très aussi. Il a fait une petite pause. Moi, tu, you're not very aussi. Et puis c'est là qu'ils ont tous éclaté de rire. Et ils essaient de se cacher, mais bon, vous voyez bien que ça rigolait. Tu vois Roman Reigns qui regarde Sami Zayn en mode mais qu'est-ce que tu dis. Et puis Jey Uso et même Jimmy qui tentait de se cacher le visage pour montrer, pour cacher qu'il rigolait, mais bon, ça se voyait très bien. Et puis ça peut se comprendre. Mm-hmm. Quand tu vois comment Sami Zayn a sorti ça, donc ça, à mon avis, comme on l'a déjà dit dans les promos, donc les superstars, ils ont un texte du coup à apprendre, à répéter, sauf s'ils ont une certaine liberté, comme Roman Reigns par exemple sur ses promos. Et je pense que Sami Zayn a sorti ça, mais c'était pas du tout dans le script. C'est pour ça qu'ils ont éclaté de rire. Et je trouve que c'était, j'adore quand ça fait ça les rend encore plus humains. Et bah voilà, ça, j'avoue que ça me fait rire à chaque fois, je dis ah, trop bien. Et depuis, les fans scandent dans les tribunes, aussi, aussi. Et même Roman Reigns, il en profite, il répète souvent dans ses promos, qu'on voit quasiment toutes les semaines, dans les promos, il utilise ce terme pour faire un petit clin d'œil à ça, et puis bon, j'avoue qu'il a raison, et puis c'est plaisant. J'ai envie de te dire, si t'es aussi, j'y suis aussi. Oh. Ok. Bon, excuse-moi pour la vulgarité si vous l'avez entendu, mais bon, j'en peux plus d'elle là-bas. Voilà, c'est ça, mais on se supporte tellement plus qu'on fait une émission ensemble. Exactement. Alors, j'ai vu quelques trucs sur Internet, et oui, je rejoins cette théorie, c'est que Sami Zayn pourrait faire imploser le groupe. Sur le long terme, peut-être. Voilà, parce qu'en fait, les officiels sont tellement contents de Sami Zayn qu'ils aimeraient bien le faire basculer du côté face, parce que là il est heel du fait qu'il fait partie de la Bloodline, même s'il est, pour moi, il est pas vraiment heel parce qu'il est un peu... Bah, il est un peu foufou. Hein. Ouais, il est un peu foufou, voilà. À cause honoraire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est Mizane qui catchait masqué à l'époque sur le circuit indépendant, sous le nom de El Generico. Ouais, je me rappelle, voilà. Ça faisait olé, olé, olé. Ah oui, bah, les fans, ils l'ont gardé, ça aussi. Hein. Ils l'ont gardé, ce olé, olé. Hein. Voilà, c'est comme ça. Comme le chocolat, olé. C'est la fin de l'émission, ça sent. On va lancer un sondage sur la page qui sort les blagues les plus pourries entre nous deux. Je veux pas vous influencer, mais à mon avis, c'est Laura. Ah ouais, même hors antenne, en vrai, c'est moi qui sors les blagues les plus pourries. Bon. À savoir que je fais plus rire malgré moi qu'en disant des blagues. J'avoue. Alors, je crois, Chris, que tu voulais nous parler d'un petit show qui va se passer à Remiremont. Tout à fait, donc... Il y aura un show de catch de la LNC, la Ligue Nationale de Catch, qui est une structure école de la WWE, pas du tout, de catch qui sont basés à Pont-à-Mousson. Et ils vont être, je crois, c'est le 25 novembre, me semble-t-il, prochain, à Remiremont, au gymnase de Béchamp. Il va y avoir la quatrième édition. D'ailleurs, je vous l'ai rappelé dans les précédentes matinales. Et donc, c'est un show de la LNC pour la quatrième édition de leur voyage, si on veut. Ça va se passer à Remiremont, au gymnase de Béchamp. Ouverture des portes à 18h, début du gala à 20h, le 25 novembre ? Il me semble, oui. Voilà. Je me suis un peu perdu, mais... Attendez, je regarde l'agenda, je sais que c'est un samedi, un vendredi. Bah là, je suis en train de lui faire les gros yeux, donc je ne sais pas. Bah, de toute façon, vous l'avez entendu dans les matinales, j'avoue que là, j'ai un petit trou de mémoire, mais de toute façon, vous l'avez entendu si vous écoutez les matinales. De toute façon, il n'y a aucune raison pour que vous ne les écoutiez pas. Il faut que vous écoutiez les matinales, franchement, ça vaut le coup. Et je ne dis pas ça pour lui mettre de la crème sur le dos. Mais passer de la pommade. Oui, voilà. Si je te mets de la crème sur le dos, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et voilà, donc la LNC revient à Remiremont le 25 ou 26 novembre prochain au gymnase de Béchamp. Alors moi, je voulais juste lancer un petit appel. Si vous cherchez des commentateurs, quelle que soit votre fédération, nous sommes là, il y a une belle alchimie entre nous, on rigolera bien. Bon, ça se peut que Chris crie dans le micro tellement qu'il est plus passionné que moi. Ah bah clairement, moi, si vous voulez, j'avoue, j'avais pas prévu de faire notre promo, mais si vous voulez avoir des animateurs radio, commentateurs de show, envoyez-nous un mail ou appelez-nous et dites-nous j'ai une structure école ou j'ai une structure de catch qui s'appelle Intel, on organise un show Intel, on change les commentateurs français. votre chimie nous plaît bien. Est-ce que ça vous tente? Allez, let's go. Bah écoute, et pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Tu parles de mail, ça tombe bien parce que je nous ai créé une adresse email. Vous pouvez peut-être pour nos prochaines émissions nous rejoindre puisque voilà, parler entre fans de catch, ça peut être bien. Donc voici l'adresse, c'est radiocatchofficiel@gmail.com. Donc si vous voulez participer à nos émissions, dire tout ce que vous pensez, on peut parler de tout, la WWE, même si vous connaissez d'autres fédérations, moi je suis pas contre l'idée de découvrir autre chose. Voilà. AEW, NJPW, CMLL, SML, c'est une fédération mexicaine. AEW, bah, c'est la deuxième plus grande fédération américaine de catch au monde. NJPW, c'est au Japon. Et d'autres structures, d'autres fédérations qu'on ne connaît pas forcément. Mm-hmm. Si on n'a pas non plus la science infuse, donc n'hésitez pas à nous faire découvrir, ou même si vous êtes vous-même étudiant ou apprenti catcheur, faites-nous part de vos témoignages et pourquoi pas, on pourrait vous citer dans une prochaine émission. D'ailleurs, il y a bientôt une page Facebook qui va avoir le jour. Voilà, c'est ça. Donc, je répète, l'adresse mail, c'est radiocatchofficiel@gmail.com et la page Facebook sera bientôt en construction. Voilà. Donc, bah, il est déjà maintenant le temps de conclure cette émission. Et oui, c'est passé. Heureusement ou malheureusement pour vous. Malheureusement pour nous. Oui. Pour les auditrices, auditeurs, je ne sais pas. Malheureusement aussi, je pense, parce qu'on est bien ensemble ici. Voilà, c'est vrai, c'est très familial ici. Oui. Alors, nous avons été ravis de partager à nouveau notre passion avec vous. Alors, retrouvez-nous une fois par mois pour une nouvelle émission de Radio Catch. Pourquoi une fois par mois? Parce qu'il y a des PLE une ou deux fois par mois. Voilà. D'ailleurs, il y en a bientôt un qui arrive, c'est... Là, j'avoue que j'ai pas le nom en tête. Les Survivor Series. Les Survivor Series. À la fin de ce mois-ci. En effet. War Games. À la fin du mois de novembre. Du coup, voilà. Et puis aussi, donc pourquoi une fois par mois, non seulement pour les PLE, et aussi parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais ça représente énormément de boulot de construire une trame, de faire des recherches, de savoir de quoi parler. Donc une fois par mois, avec nos autres émissions à côté, comme Autour de vous ou alors Mes Matinales, ça représente énormément de boulot. Donc on essaye de faire une fois par mois, peut-être que des fois on n'arrivera pas à tenir ce délai, on ne sait pas trop, mais on essaye de s'y tenir au maximum. Donc il est possible que nous ayons des invités, y compris vous, auditeurs et auditrices, carrément, pour parler encore et toujours de catch. Alors on a fait notre petite phrase à la Christophe Ajus, à la Philippe Chirot, mais c'est à la Chris et à la Laura. Alors, et n'oubliez pas qu'au catch, ça vole, ça cogne, ça se soulève, mais c'est avant tout un spectacle. Ne reproduisez pas ça chez vous. À bientôt sur Radio Gamozo. À bientôt.